Mesdames, mesdames, attrape-moi si tu veux. Voilà le cri docile qu'ils lancent à qui veulent entendre vos nouveaux sous-vêtements. Les aficionados de ce nouvel ustensile ne vous ressemblent pas pourtant. Les culottes petits bateaux dont on se délaisse éveillèrent en moi comme un instinct protecteur. Voudriez-vous vraiment que leur tendre effet cesse et réveiller le prédateur? Oh, oh, si mes yeux se résignent à regarder vos fesses plutôt que vos sourires, vos éclats de liesse. N'êtes-vous donc pas gêné que mon regard s'abaisse, que le temps d'un soupir vos yeux je délaisse? Mesdames, votre honneur ne tient plus qu'à un fil. Réveillez-vous mes sœurs contre la mort de ces vigiles. Lumbabé Sengé, Lumbabé Lumbabé Lumbabé Lumbalé, Lumbabé Lumbabé Lumbabé Lumbalé. Mais si j'ai bien compris l'usage d'un string, c'est pour cacher des plis terriblement gênants. Pourquoi chercher alors à ce que je le devine sous un pantalon transparent? Vous rejoignez le gang de celles qui se dandinent, espérant au détour arracher les regards. L'image de la femme déjà assez se débine. Ne rajoutez pas mon petit canard. Votre joli corps, je le connais par cœur. Pourquoi le donner en pâture à tous ces ravisseurs qui vous reluquent et vous convoitent comme un filet mignon?